Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de Schopenhauer, initialement diffusée en juin 2018, Schopenhauer où je fais un malheur. Aujourd'hui, premier épisode, l'art peut-il consoler ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. À 17 ans, alors que je n'avais reçu qu'une formation scolaire des plus médiocres, je fus saisie par la détresse de la vie, comme le fut Bouddha lorsqu'il découvrit l'existence de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Il faut imaginer Arthur Schopenhauer, né en 1788, fâché avec sa mère à qui il reproche tout et qui finira par le déshériter, solitaire, les cheveux hirsutes, il ressemble à un chat sauvage, dira Wagner en apercevant le philosophe ébouriffé, se promener avec Atma, son chien, d'abord un caniche, puis un épagneul, mais qui s'appellera toujours Atma, ce qui signifie « l'âme du monde » en sanskrit. Il faut l'imaginer seul, toujours, se promenant en ville, vêtu d'un smoking, déplorant l'absence de vente de son ouvrage philosophique majeur, « Le monde comme volonté, comme représentation », regrettant que le succès triomphal de Hegel, au même moment et dans la même université, ne voue son travail et sa carrière à l'oubli, somme toute bien relatif. Il faut imaginer sa plume incisive, parfois odieuse, souvent drôle, louée par Nietzsche, puis 200 ans plus tard par Clément Rosset, puis Michel Houellebecq. Il faut imaginer Schopenhauer seul, mais pas insensible à la jouissance, ni à la joie, encore moins à la musique, à laquelle il consacre des pages magnifiques. Oui, aujourd'hui, Schopenhauer, philosophe du malheur, nous est indispensable et pour notre plus grand bonheur. Bonjour Michel Guérin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Une journée qui commence avec Schopenhauer et Mozart est une journée qui commence bien, non ? Absolument. On peut imaginer difficilement un duo plus allegro, d'une certaine façon, ou plus scherzo même, parce qu'il y a, vous l'avez bien dit, dans Schopenhauer, quelque chose de caustique, quelque chose qui renvoie à un XVIIIe siècle, quelque chose qui renvoie même à un des aspects de Goethe, qui fut son contemporain, comme d'ailleurs Hegel. Mais bien entendu, l'attitude de Schopenhauer par rapport à Goethe est à l'inverse de celle qu'il a vis-à-vis de Hegel. Hegel est un sac à vent, dit-il, un Windbeutel. Évidemment, il a quelques raisons de lui en vouloir, puisque quand il est jeune enseignant privé, Privatdozent, dit-on en allemand, à l'université de Berlin, il n'a même pas 10 étudiants, alors qu'on se pousse, on se bouscule pour aller au cours de Hegel. Donc il a toutes les raisons de lui en vouloir. Mais quoi qu'il en soit, pour lui, Hegel, c'est l'auteur de la plus grossière, je le cite, de la plus gigantesque mystification, et c'est un monument de la niaiserie allemande. Et contre ce monument de la niaiserie allemande, il y a Goethe. Et je crois que non seulement il y a dans Schopenhauer, dans la formation de Schopenhauer, évidemment des philosophes, à commencer par Platon et Kant, ce qui n'est pas rien. Qui l'identifie d'ailleurs, de manière assez étrange. Qui l'identifie beaucoup, avec évidemment les Upanishads, pour terminer le texte indien qu'il découvre et qui va marquer sa vie. Tout à fait. Mais il y a également les poètes, et quand il cite les poètes d'ailleurs dans Le Monde et dans d'autres textes également, il les cite dans le texte. Calderon n'est jamais cité qu'en espagnol, Shakespeare en anglais, Boileau ou La Rochefoucauld en français. Donc effectivement, sa formation est un petit peu, disons, chaotique au plan académique. Mais sur le plan de la culture personnelle, Schopenhauer est quelqu'un d'excessivement cultivé, d'éminemment cultivé. Alors commencer avec Schopenhauer et Mozart est un délice. En votre compagnie également, Michel Guérin, la journée va atteindre sa perfection. Vous êtes l'auteur du Fardeau du Monde, de la Consolation. C'est le titre de votre livre paru chez Encre Marine, dans lequel il est beaucoup question de Schopenhauer. Ce qui surprend parce qu'on fait de Schopenhauer, et vous nous direz dans quelle mesure c'est vrai d'ailleurs, le philosophe pessimiste par excellence, le philosophe du malheur. Et pourtant, vous le citez et vous y consacrez de nombreuses pages, très belles d'ailleurs, dans un livre sur la consolation. Ça veut dire que Schopenhauer nous consolerait de quelque chose ? Oui, il nous console de la vie. Parce que. Mais faut-il en désespérer? Oui, mais bien entendu, je dirais, il n'y a pas de, forcément de contradiction. Il y a peut-être même plus qu'une contradiction. La contradiction serait de l'ordre de la logique. Là, nous sommes dans une contrariété réelle. Schopenhauer est à la fois quelqu'un qui pense que la vie est une souffrance et par conséquent un mal, et qui, de ce mal, s'accommode personnellement pas trop mal. On sait que, par exemple, il aime beaucoup les bons restaurants. C'est un homme qui ne dédaigne pas toutes les formes de jouissance. Et vous l'avez tout à l'heure d'ailleurs souligné d'entrée. Donc oui, effectivement, pour lui, la vie est un mal, puisqu'elle est effort, elle est souffrance. Il a souvent des images, Schopenhauer. Et il y en a une qui me paraît assez extraordinaire. Il dit, la vie, au fond, est une entreprise qui ne couvre pas ses frais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que la vie passe tout son temps à lutter, à faire effort pour s'empêcher de mourir, pour se conserver un peu plus loin dans l'existence. Mais tout ça ne mène à rien. Parce qu'une fois que le désir a été assouvi, c'est l'ennui qui lui succède. Il dit que la vie oscille comme un pendule de droite à gauche, ouais, en passant de la souffrance, du désir à l'ennui. Donc la vie en soi est mauvaise. Et l'art en particulier est là pour nous consoler. Non pas pour nous apporter une consolation toute positive, c'est un palliatif. Il est là pour nous consoler de la vie. Comment ? En échappant à cette mécanique aveugle, à cet instinct, pour dire les choses en langage simple, qui fait que nous sommes au service de l'espèce. Les individus sont au service de l'espèce. Ce qui le montre bien, c'est la sexualité. Le phénomène de l'amour, vous savez que Hegel a écrit un livre qui est un des suppléments du Monde comme volonté, qui s'appelle Métaphysique de l'amour, de même qu'il vous a écrit... Vous avez dit Hegel. Pardon ? Vous avez dit Hegel, vous parlez de Schopenhauer. J'ai dit Hegel, excusez-moi, évidemment un lapsus. Parce que Hegel qui écrit une métaphysique de l'amour, ce serait très intéressant. Oui, tout à fait, non, c'est évidemment un lapsus. Le pauvre, voyez, vous lui donnez raison, c'est-à-dire Hegel à chaque fois le devance d'un pas. Schopenhauer a écrit donc cette métaphysique de l'amour, dans lequel il montre que ce que nous appelons l'amour-passion, ce n'est pas autre chose pour les individus que l'enjolivement spécial de l'instinct sexuel. Vous savez, Bergson disait l'herbe en général attire l'herbivore. Donc les animaux, que ce soit pour la faim ou pour la procréation, ils ne choisissent pas véritablement ni leur nourriture, ni leur partenaire sexuel. Donc la sexualité ne serait qu'une ruse de la nature pour exactement, se reproduire. Exactement. Par la sexualité, l'individu est au service de l'espèce sans le savoir. C'est un mélange de lucidité et d'aveuglement. Et de complotisme. C'est un peu, on se sert de nous, la nature se sert de nous. La nature se sert de nous pour aller plus loin. Oui. Pour aller plus loin, pourquoi faire ? Pour rien. Il n'y a pas de but, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la volonté est sans but, puisque le fond de l'être est volonté, et alors, ce fond de l'être nous mène. Vous employez le terme de volonté, je suis obligée de vous demander de nous y arrêter un instant, c'est le titre, on le trouve dans le titre de son livre central, Le Monde comme volonté et représentation, les deux termes sont très importants et la volonté est vraiment la clé de voûte de sa pensée, mais je vous propose peut-être qu'avant de définir la volonté, on commence par la représentation, parce qu'en réalité, la représentation est ce à quoi nous avons accès en premier, Michel Guérin. Tout à fait. Schopenhauer est un, je vais essayer de dire les choses le plus simplement possible, Schopenhauer est un métaphysicien. Il a, de manière explicite, il le dit lui-même, il a trois maîtres essentiels. Platon, Kant, qu'il admire, qu'il critique. Il y a d'ailleurs un texte qui est une critique de la philosophie kantienne, mais qui donne tout de même les armes conceptuelles du monde comme volonté et comme représentation. Et troisièmement, la découverte de l'Inde, des Védas, des Upanishads. Donc ce sont là les trois maîtres de Schopenhauer. Qu'est-ce qui retient de ces maîtres ? Essentiellement le dualisme. Il y a deux mondes. Il y a le monde comme représentation et il y a le monde, si j'ose dire, en soi. La chose en soi kantienne. Sauf qu'il reproche à Kant de ne pas avoir caractérisé, de ne pas avoir nommé cette chose en soi. Pour lui, la chose en soi, c'est la volonté. La volonté est, je dirais, le fond de l'être. Mais attention, attention, quand je dis le fond de l'être, ça ne veut pas dire la raison d'être, ni un être de raison. C'est un être sans raison, absurde, et qui cependant donne existence, donne lieu à tout le monde de la raison. Et le monde de la raison, c'est le monde de la représentation. Le monde qui est soumis au principe de raison suffisante. Je m'explique. Oui. Ça veut dire que tout ce qui est phénomène se donne comme pluralité de choses, d'objets, d'éléments, d'êtres, qui sont séparés, qui sont distincts les uns des autres, mais qui sont en même temps attachés les uns aux autres, qui sont liés les uns aux autres. C'est ça le principe de raison. En gros, pour être simple, le principe de raison, c'est la causalité. A est causé par une cause précédente, qu'on peut appeler je ne sais comment, X par exemple, et A conduit à un effet qui est B. Et ceci est indéfini, c'est une suite sans fin. Il n'y a pas de cause première et il n'y a pas de fin dernière. Donc nous sommes dans une sorte d'enchaînement. C'est ça la causalité, c'est ça le principe de raison. Tout a une raison, mais attention, tout a une raison à l'intérieur de la phénoménalité. Alors, mais il y a quelque chose qui est sans raison et qui dirige tout ça et qui est le vouloir. C'est ça, mais pour bien comprendre cette distinction, Michel Guérin, revenons à Kant un instant, parce que la distinction essentielle à avoir en tête pour comprendre ce que vous dites et pour comprendre Schopenhauer, c'est celle entre phénomène d'un côté et chose en soi de Absolument. L'autre. Toute la philosophie kantienne est construite autour de la chose en soi, dont nous savons qu'elle existe, mais à propos de laquelle nous ne pouvons rien dire, nous dit Kant. La chose en soi est soustraite du domaine de la connaissance. Et pourtant, la liberté, prouvée par la vie morale, prouve justement qu'il y a une chose en soi, qu'il y a un quelque chose qu'on ne peut pas nommer, qui serait peut-être l'essence même des choses, mais qui échappe à la connaissance. Tout ce à quoi nous avons accès, ce que nous appelons le monde, les objets, sont des phénomènes, c'est-à-dire peuvent être vus et connus par nous-mêmes. Schopenhauer reprend cette idée-là et substitue à la chose en soi, le concept de volonté, en allant plus loin. Il dit d'ailleurs qu'il faut aller plus loin que ce que Kant a fait. Il va jusqu'à dire que de la volonté, nous pouvons dire quelque chose. Donc il est à la fois l'héritier de Kant et il brise la distinction kantienne autour de laquelle il n'y a plus de pensée kantienne en réalité. Vous avez complètement raison. Je dirais, j'ajouterais un point, c'est que non seulement il modifie l'appréhension kantienne de la chose en soi, en disant la chose en soi, c'est la volonté, qu'il caractérise par un certain nombre de traits. Ah oui, très précis même. Le premier, c'est qu'elle n'a pas d'origine, c'est qu'elle n'aura pas de fin, c'est qu'elle ne poursuit aucun but si ce n'est de se reproduire elle-même, ce qui est d'une certaine façon une absence de fin. Et elle est absurde. Elle est, dit-il, grundlos, c'est-à-dire elle est sans fond, elle est abyssale. Donc il la caractérise. Et deuxième différence avec Kant, dont il reprend bien entendu, vous avez raison, la distinction du phénomène et du noumène ou de la chose en soi, c'est que chez Schopenhauer, le phénomène est tiré très clairement vers le fantasme. C'est-à-dire que c'est le fameux voile de Maya. C'est-à-dire que le phénomène, Erscheinung en allemand, est tiré vers l'apparence. C'est la même racine en allemand, der Schein. Or, l'apparence, c'est ce qui luit, c'est ce qui brille un moment, mais un petit peu comme un oasis Donc, dans le désert. Donc, ça veut dire que pour Schopenhauer, tout ce qui existe et tout ce qu'on peut voir, c'est pas simplement le monde, comme c'était le cas pour Kant, le monde des objets connus, mais ça n'est que apparence, ça n'est que représentation. Oui, notre monde n'est qu'un monde de représentation. Oui, mais en même temps, pour Schopenhauer, il emploie le mot à moult reprises, ce monde est objectif. Simplement, l'objectivité, le monde de c'est-à-dire la raison... C'est-à-dire ne dépend pas que de nous. C'est-à-dire, et objectif, ça veut dire que c'est pas simplement le monde tel qu'on le perçoit, il existe. Ça veut dire que c'est l'objectivité ou l'objectivation de la volonté. Ça veut dire qu'il y a à la fois, et c'est ça à mon avis toute l'ambiguïté de la pensée de Schopenhauer, c'est que le phénomène est ambivalent. Il est à la fois une réalité et un songe. Et on ne peut pas séparer les deux. Je pense qu'il y a des interprétations de Schopenhauer là-dessus qui, à mon avis, sont fausses. Parce que on dit toujours, le voile de Maya, ce n'est qu'illusion. Oui, mais c'est pas qu'illusion. Parce que ce monde comme représentation, c'est quand même un monde. Le voile de Maya, c'est une métaphore qu'il tient pour le coup des textes indiens. Qui vient des textes védiques. Voilà, c'est ça. Et le voile de Maya serait ce de quoi est recouvert le monde, qui fait qu'on ne voit pas les choses elles-mêmes, mais simplement l'apparence. Le voile de Maya, il s'agit d'essayer de soulever... Oui, mais l'apparence, ce sont les phénomènes. Mais voilà. Ce sont les phénomènes eux-mêmes. Là, pour le coup, c'est ce qui donnera naissance à Nietzsche, à ce moment-là. Ce sont les phénomènes eux-mêmes, c'est-à-dire que l'animal aussi se figure des choses. Il faut toujours revenir à la toute première phrase du monde comme volonté, comme représentation. La toute première phrase dit ceci. Le monde est ma représentation. Deuxième phrase. Tout être vivant a des représentations. Alles Lebewesen, tout être vivant a des représentations. C'est-à-dire que l'animal, comme l'homme, se figure des choses. Et c'est ce qui se figure qu'il fait marcher. Mmh. Qu'il fait marcher, j'allais dire, dans la combine, dans cette machinerie, dans cette mécanique fantastique de la volonté. Hein. La différence, où est-elle entre l'animal et l'homme? Elle est ici, la différence, je vais le dire dans un instant. C'est que pour l'animal, tout est aveugle. Tout se passe dans le corps, au niveau du corps. C'est le corps qui agit, qui mime finalement ce qu'il doit faire et ce qu'il faut faire. Chez l'homme, ça passe par la représentation intellectuelle. Ça passe par des motivations. Ça passe par le langage. Ça passe par des concepts. Et qu'est-ce que c'est qu'un concept pour Schopenhauer? Un concept, c'est une généralisation de représentation. L'animal a des représentations, l'homme a des représentations de représentations parce qu'il est doté du langage. Mais de l'un à l'autre, la différence n'est pas de nature, elle est de simple degré. C'est-à-dire que l'animal comme l'homme participe du même leurre fondamental, même si ce leurre a un statut de Wirklichkeit, c'est-à-dire de réalité. Dans Wirklichkeit, vous avez Wirkung, qui en allemand veut dire effet. Donc cause-effet, c'est ça la réalité. La réalité, c'est le tissu, c'est le tissage des causes et des effets. Et cette réalité, elle est objective. Mais tout en étant objective, elle représente par rapport à la chose en soi, qui est la vérité en quelque sorte de l'être, eh bien, elle représente un leurre, une illusion. Nous vivons dans l'illusion. Au fond, le fond de la souffrance de l'homme, c'est que nous vivons dans l'illusion. Alors, à nous de bien gérer l'illusion. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire, vous allez nous aider. Ne nous laissons pas entraîner, emporter par l'illusion égoïste qui va nous faire souffrir. Mais au contraire, préférons, et là on arrivera bientôt chez Nietzsche, préférons une belle illusion, l'illusion de l'art, qui elle va nous délivrer au lieu de nous asservir. D'où l'importance du beau et de l'esthétique en général. On y viendra juste après. D'abord, à quoi ressemble ce monde innervé par la volonté, cette volonté, ce vouloir vivre dont parle Schopenhauer, à quoi ressemble-t-il? On va essayer de le définir avec lui. Il propose ce que vous avez appelé la métaphysique de la volonté. Il ne faut pas que ce terme effraie. Au contraire, il est expliqué très clairement par Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation au livre 4. Voici le texte lu par le comédien Daniel Mesquiche. La volonté sans intelligence, désir aveugle, irrésistible, telle que nous la voyons se montrer encore dans le monde brut, dans la nature végétale et dans leurs lois, aussi bien que dans la partie végétative de notre propre corps, cette volonté, dis-je, grâce au monde représenté, qui vient s'offrir à elle et qui se développe pour la servir, arrive à savoir qu'elle veut, à savoir ce qu'est ce qu'elle veut. C'est ce monde même, c'est la vie, telle justement qu'elle se réalise là. Voilà pourquoi nous avons appelé ce monde visible le miroir de la volonté. Et comme ce que la volonté veut, c'est toujours la vie, c'est-à-dire la pure manifestation de cette volonté dans des conditions convenables pour être représentée, ainsi, c'est faire un pléonasme que de dire la volonté de vivre et non pas simplement la volonté, car c'est tout un. La volonté étant la chose même en soi, le fond intime, l'essentiel de l'univers, tandis que la vie, le monde visible, le phénomène, n'est que le miroir de la volonté, la vie doit être comme la compagne inséparable de la volonté. Partout où il y aura de la volonté, il y aura de la vie. Un monde, enfin. Aussi, vouloir vivre, c'est aussi être sûr de vivre. Et tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence, même à l'heure de notre mort. Sans doute l'individu, sous nos yeux, naît et passe. Mais l'individu n'est qu'apparence. S'il existe, c'est uniquement aux yeux de cet intellect qui a pour toute lumière le principe de raison suffisante. En ce sens, oui, il reçoit la vie à titre de pur don qui le fait sortir du néant, et pour lui, la mort, c'est la perte de ce don. C'est la rechute dans le néant. écouter la gigue en sol majeur de Mozart sur France Culture, les chemins de la philosophie, où nous parlons aujourd'hui de Schopenhauer. Aujourd'hui et cette semaine d'ailleurs, Schopenhauer qui aimait particulièrement Mozart. Il pensait que la musique de Mozart était une des seules choses aptes à nous consoler de l'existence. On y viendra dans un instant en compagnie du philosophe Michel Guérin qui est avec moi en studio aujourd'hui pour vous parler de Schopenhauer. Nous venons d'entendre un texte sur la volonté, donc issu du monde comme volonté, comme représentation, l'ouvrage phare de Schopenhauer. Dans ce texte se trouve beaucoup de choses, Michel Guérin, notamment ce paradoxe peut-être, et repartons de là parce qu'il est présent dans toute l'œuvre et toute la pensée de Schopenhauer. À la fois la volonté nous traverse, c'est ce que vous avez dit, la volonté, alors je ne sais pas si on parle de principe, mais cette existence première qui donne vie à toute chose, et en même temps il dit que tant que nous avons la volonté de vivre, tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence. Comme si à la volonté qui donnait vie aux choses, pouvait s'ajouter la volonté de vivre, ce qui est du coup une sorte de pléonasme, de redondance. Si vivre, c'est vouloir, alors vouloir vivre, c'est vouloir deux fois. Mais dans le paragraphe, pour être précis, dans le paragraphe 54 du livre 4, du monde comme volonté, comme représentation, ouais, qui vient d'être admirablement lu par Daniel Mesguich, je crois, il est bien dit que c'est un pléonasme. On parle la plupart du temps, quand on fait allusion à la philosophie de Schopenhauer de façon un petit peu, en passant comme ça, cursive, on parle du vouloir vivre. Mais en réalité, le concept, c'est le vouloir. Der Wille. Le vouloir vivre, c'est une explicitation imagée de cette chose en soi. C'est-à-dire, la volonté de vivre, c'est la manifestation la plus évidente, la plus spectaculaire en quelque sorte de la volonté. Mais la volonté, c'est également autre chose. Ce sont les forces qui agissent dans la physique du monde. C'est la pesanteur, c'est la gravitation. Il y a de la volonté dans le minéral chez Schopenhauer. La meilleure preuve, c'est que dans la classification des arts, l'architecture, c'est l'art le plus lourd, le plus matériel, parce que c'est justement l'exhibition des forces qui sont dans l'infra-nature, dans la nature qui n'est pas encore la nature organique. Donc, c'est dire si le vivre, qui concerne la plante, mais surtout l'animal et l'homme, c'est vraiment l'apogée de la volonté. C'est là où la volonté vient au plus près de sa propre extériorisation, que Hegel appelle aussi, que Hegel, décidément, que j'aurais pas dû parler de Hegel au début, que Schopenhauer, justement, appelle à plusieurs reprises aussi objectivation. Et dans le même texte qui vient d'être lu, il est question de miroir. Alors là, il faut s'arrêter un tout petit peu, parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait une ambiguïté de la notion de phénomène chez Schopenhauer, dans la mesure où le phénomène, c'est à la fois ce qui apparaît à tout le monde, donc ce qui est le monde, ce qui est objectif. Mais le phénomène, c'est en même temps l'apparence, c'est-à-dire que ça nous trompe, c'est-à-dire que c'est pas la chose elle-même, ce n'est qu'une vision n'est pas le mot, ce n'est qu'une apparence de la chose, ce n'est qu'un aspect de la chose, et un aspect que nous ne maîtrisons pas, qui nous est en quelque sorte envoyé par la volonté au service de laquelle nous citons. Donc il y a cette ambiguïté, mais on la retrouve quand il s'agit de l'objectivation de la volonté, parce que il est vrai que en l'homme, qui est encore une fois l'acmé de cette extériorisation de la volonté, en l'homme, celle-ci vient à se connaître, elle se connaît. Alors il y a là-dedans un véritable retournement du principe de la connaissance. Pourquoi? Est-ce que je peux dire deux mots là-dessus? Je vous en prie. Voilà. Alors, la connaissance, pour Schopenhauer, dans l'ordinaire des cas, c'est la connaissance discursive, c'est-à-dire c'est la connaissance par concept. C'est la connaissance selon le principe de raison et par les causes. Donc c'est une connaissance qui est intra-phénoménale. Nous ne connaissons que les phénomènes. Ça, c'est qu'ancien, d'ailleurs. Mais il y a une autre connaissance, qui, elle, n'est plus discursive, et qui est intuitive, et qui, elle, passe au-delà du phénomène, descend, si j'ose dire, sous le phénomène, pour titiller ce qui a effectivement tout au fond. Et ce qu'il y a tout au fond, c'est la volonté. Et l'art est justement ce type de connaissance intuitive qui fait fi de toute forme de connaissance, entre guillemets, objective ou scientifique, pour aller d'emblée au fond, pour plonger, en quelque sorte, dans les abîmes du vouloir, et pour connaître ce vouloir. Donc vous voyez, il y a un retournement de la connaissance. Dans le cas le plus général, la connaissance est une sanction de notre asservissement. Mm-hmm. Connaître, c'est participer de la mécanique que la volonté organise sans nous demander notre avis. Au fond, je prendrai une image. La volonté, c'est une sorte de metteur en scène qui nous fait jouer comme figurant sans que nous sachions vraiment notre rôle, parce qu'il y a en nous une sorte de piston, de déclencheur aveugle qui fait que nous le jouons sans le savoir. Est-ce que, comme pour Spinoza, la connaissance de ce fait peut en partie nous libérer de cette volonté ? Bien entendu, c'est même l'essentiel. Et de ce point de vue-là, Schopenhauer reprend une très vieille idée grecque, à savoir que connaître libère. Mais, et c'est ce que j'essayais de dire, il y a deux connaissances. Il y a une connaissance qui asservit, et cette connaissance-là, l'animal l'a comme l'homme. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui agit dans le cadre et dans le contexte du principe de raison suffisante. C'est-à-dire qui agit sur les buts, sur les motivations, sur les causes, et qui s'imagine que, touchant ces éléments-là, on touche du réel. Non, on ne touche que de l'apparence. La vraie connaissance, celle qui, au lieu d'asservir, libère, c'est la connaissance intuitive par idée, et là on retrouve Platon, c'est-à-dire une connaissance qui est absolument affranchie de tout principe de raison. Alors on va essayer de comprendre en quel sens il maintient le terme de connaissance à l'égard de l'art et de la musique, parce qu'en réalité il s'agit d'un accès peut-être à cette vérité, mais pourquoi connaissance dès lors qu'il n'y a plus de concept, il n'y a même plus de langage, puisque la musique n'est pas à proprement parler un langage, en tout cas pas celui que nous employons pour communiquer, et cette partie est redoutable et passionnante. Mais avant cela, Michel Guérin, on a essayé de chercher ce que serait une illustration, une incarnation d'un individu qui assisterait à l'expansion de la volonté en spectateur. Parce que, en fait, tout ce que vous dites et tout ce que dit Schopenhauer peut être familier à quiconque a déjà fait l'expérience de ce temps qui passe, de cette volonté qui fait l'épreuve d'elle-même et qui se sent complètement exclue, qui dit bon, j'attends que ça passe. La vie ne m'impose rien, mais elle est là, je dois en faire quelque chose. C'est une expérience qu'on a pu tous faire, c'est avec un peu de lucidité pour avoir, et de courage pour le nommer. Eh bien, on a trouvé cet extrait de fin de partie de Samuel Beckett qui semble mettre en scène quatre personnages qui eux-mêmes sont en proie à cette volonté qui ne cesse de s'exercer elle-même et dont ils se sentent, eh bien, complètement exclus. C'est moins gai que tantôt. Mais c'est toujours comme ça en fin de journée. N'est-ce pas? Toujours. C'est une fin de journée comme les autres. N'est-ce pas? On dirait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose suit son cours. Bon! Maintenant! Je croyais que je t'avais dit de t'en aller! J'essaie! Depuis ma naissance. Ça avance. Depuis ma naissance, j'essaie de m'en aller, dit le personnage, ça avance, reprend âme, et à la question qu'est-ce qu'il se passe, la réponse quelque chose suit son cours, c'est ça la volonté, selon Schopenhauer. Il ne se passe rien, mais il se passe toujours quelque chose qui est la volonté, qui est sans cesse en train d'avancer. Michel Guérin. C'est le slogan populaire ou l'adage « Nil novis sub soleil », il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. À plusieurs reprises, Schopenhauer dit que le temps de la volonté, d'affirmation de la volonté, c'est le présent. Vivre, c'est toujours vivre au présent. Quelque chose suit son cours. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose devient. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité du devenir. Le devenir est en réalité. Enfin, c'est une fausse redondance, puisque je viens de dire que c'est le contraire de la réalité. Le devenir est fantasme, comme l'histoire. Donc c'est une stagnation? Une répétition? Non, ce n'est pas une stagnation, c'est une répétition à l'identique. Ce qui n'est pas loin de la stagnation. Non. Oui. Oui, mais enfin, la stagnation pourrait signifier que tout a tendance à rester dans l'inerte. Or, la volonté n'est pas inerte. Elle est au contraire, elle est énergique. Elle est dynamique. Elle est insatiable. Le terme que Schopenhauer emploie, c'est ça. Elle est insatiable. Elle est aveugle et insatiable. Et on serait comme des victimes de cette volonté. Et nous sommes. Beckett nous décrit ainsi. Nous sommes des figurants. Nous sommes des manifestations. Nous sommes des traductions passagères, parce que d'autres sont venus avant nous et viendront, et d'autres viendront après nous. Nous sommes simplement des figurants de cette volonté. Mais, encore une fois, celle-ci n'a aucun but, si ce n'est de se reproduire indéfiniment, ce pourquoi elle utilise évidemment la sexualité et la reproduction. La reproduction est, je le disais tout à l'heure, l'image du vouloir vivre. Et c'est très amusant parce que quand on lit un petit peu dans le détail la métaphysique de l'amour, on aperçoit que Schopenhauer, ça c'est un de ses côtés un petit peu... je dirais pas caricatural, mais tout de même, vous savez qu'il était, il a écrit sur les femmes des propos qu'on jugerait à juste titre aujourd'hui ignominieux, qui sont en même temps empreints d'une naïveté sans pareil. Dans la métaphysique de l'amour, il dit que une femme, au fond, est intéressante pour nous. Nous regardons une femme entre 18 et 28 ans. Après, nous ne la regardons même plus. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus bonne à la procréation. De même pour les femmes, un homme est intéressant à 35 ans. Quand il est plus jeune, c'est un jeuneau, il est encore pas dans son plein pouvoir génésique. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, au premier regard, deux êtres s'apparient. Et Schopenhauer a même cette image étonnante, il dit « le bébé, le rejeton, est déjà là, qui les attire l'un vers l'autre ». Autrement dit, nous sommes piégés, nous marchons dans cette mise en scène dont nous n'avons pas lu le livret. La volonté a prévu pour nous, a prévu pour ces deux êtres, qu'ils allaient se rencontrer, qu'ils allaient continuer l'espèce en créant un nouvel être humain. Juste pour le plaisir, voilà ce qu'on peut trouver dans son essai sur les femmes. Le génie de l'espèce est un industriel qui ne sait que se reproduire. Les femmes sont ses complices. Peuple de galantins que vous êtes, dupes innocentes qui croyaient en cultivant des femmes les élever jusqu'à vous, comment n'avez-vous pas encore vu que les reines de vos sociétés ont de l'esprit souvent, du génie par accident, mais de l'intelligence, jamais. J'ai 70 ans et plus, et si je me félicite d'une chose, c'est d'avoir évité à temps le piège de la nature. Voilà pourquoi je ne me suis pas mariée. C'est odieux, c'est tout simplement, c'est indéfendable, il n'y a aucun statut, c'est, hélas, ce sont les scories du génie. Mais il y a un peu de provocation. Ah, je crois qu'il y a peut-être un peu de provocation, mais je crois que... Aujourd'hui, on ne peut pas lire ça sans sourire. Ah, aujourd'hui, évidemment non, mais je dis, c'est à la fois naïf et odieux. C'est une époque où c'est marginal mais autorisé. Je veux dire, on n'est pas scandalisé à ce moment-là comme on l'est aujourd'hui à juste titre. Bon, et aujourd'hui qu'on est scandalisé, on peut sourire heureusement. Donc finalement, on peut sourire le scandale quand il est tellement outrancier... On sourit parce que c'est Schopenhauer. On ne sourirait pas si quelqu'un, aujourd'hui, un contemporain, proférait ce genre de propos. Certes. On les trouverait simplement odieux. Tout à fait, ce qu'ils sont également. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va écouter le texte de Schopenhauer sur la musique. Alors, à moins que vous vouliez dire deux mots avant d'entendre ce texte, sur cette façon qu'a la musique en particulier, et l'art en général, vous l'avez dit, de nous faire accéder à la volonté, à cette chose en soi, pour reprendre l'expression kantienne, qui est une forme de connaissance. Juste peut-être en préliminaire, pour mieux le saisir, une chose, c'est que la traduction de cette mécanique un peu fantastique dans laquelle nous nous trouvons pris du fait de l'action sourde de la volonté, c'est le fait que nous sommes tous des égoïstes ou des égocentriques. Ça veut dire que nous nous croyons tous le centre du monde. Et ce qui nous fait nous endurcir dans le leurre, c'est précisément que nous prenons notre propre perspective égoïque, la perspective de notre moi, nous la prenons pour la réalité en soi. Donc c'est nous-mêmes qui, nous-mêmes en tant qu'agis bien sûr par le vouloir, c'est nous-mêmes qui construisons cette sorte de toile illusoire dans laquelle nous nous enfermons parce que le monde que nous représentons avec beaucoup de narcissisme, nous le prenons pour le monde vrai. De sorte que, qu'est-ce que c'est que que la connaissance, la vraie, la connaissance intuitive, c'est une libération par rapport à l'égoïsme. Toutes les fois que nous partons de nous-mêmes, et c'est vrai en morale aussi, peut-être qu'il en sera question, peut-être aujourd'hui, mais peut-être aussi dans les jours qui viennent, la véritable morale, pour Schopenhauer, ça consiste à se mettre à la place de tous les autres. Ça consiste à être la vie souffrante en moi et en autrui. Ça consiste par conséquent à ne plus partir de cette démesure de vivre qui est en moi. Parce que par mon corps, je suis le jouet aveugle de la volonté. Mon corps obéit au toit et à l'œil, à la volonté. Et mon corps, c'est le principe même de l'égoïsme. Le corps, c'est ce qui veut à tout prix se conserver. Le cerveau, vous savez, Schopenhauer fait une opposition entre le sexe et le cerveau. Le sexe, c'est vraiment le larbin de la volonté. Le cerveau, c'est ce qui éventuellement, c'est l'organe qui éventuellement, pas toujours, éventuellement peut être au contraire l'instrument de ma libération. Parce qu'il ouvre sa fenêtre sur toutes les formes de représentation, y compris des représentations libres, des représentations non-serves, c'est-à-dire des représentations qui ne partent pas du moi et qui n'obéissent pas exclusivement à la causalité et au principe de raison. Le plus difficile étant de faire dialoguer les deux, évidemment. Exactement. Alors voici ce texte lu par Daniel Mesguich toujours, c'est le paragraphe 52 de la troisième partie du Monde comme volonté et comme représentation. La musique n'exprime jamais le phénomène, mais uniquement l'essence intime, l'en soi de tout phénomène. En un mot, la volonté même. Aussi n'exprime-t-elle pas telle joie spéciale ou définie, telle ou telle tristesse, telle douleur, tel effroi, tel transport, tel plaisir, tel calme d'esprit, mais la joie même. La tristesse, la douleur, l'effroi, les transports, le plaisir, le calme d'esprit. Elle n'en exprime que l'essence abstraite et générale, en dehors de tout motif et de toute circonstance. Et pourtant, dans cette quintessence abstraite, nous savons parfaitement la comprendre. Les phrases courtes et claires de la musique de danse, aux allures rapides, ne semble parler que d'un bonheur commun, facile à atteindre. Au contraire, l'allegro maestoso, avec ses grandes phrases, ses larges avenues, ses longs détours, exprime un effort grand et noble vers un but lointain que l'on finit par atteindre. L'adagio nous parle des souffrances d'un grand et noble effort qui méprise toute joie mesquine. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est l'effet du bémol et du dièse. N'est-il pas étonnant que le changement d'un demi-ton, l'introduction d'une tierce mineure au lieu d'une majeure, donne aussitôt une sensation inévitable de peine et d'inquiétude, dont le dièse nous délivre immédiatement. Très bien, commençons. Nous avons fini en fa majeur. Oui. Alors maintenant, la mineure. Confutatis, la mineure. D'abord les voix, les basses, deuxième temps de la première... Quelle mesure? À quatre temps, deuxième temps de la première mesure. Confutatis. Deuxième mesure, deuxième temps. Maledictis. Vous y êtes? Oui, ré dièse, oui, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Deuxième temps de la troisième mesure, en mi. Flammis sacribus addictis. Pause. Maledictis flammis sacribus addictis. Sacribus flammis addictis. Vous y êtes bien? Oui, je crois. Faites voir. Confutatis, maledictis, flammis acribus addictis, maledictis, flammis acribus addictis. Bien, et maintenant les ténors, quatrième temps de la première mesure en do. Confutatis, deuxième mesure, quatrième temps, ré. Maledictis. Très bien. Trompette en ré, tonique et dominante, premier et troisième temps. Tout cela est en harmonie. Oui, ça y est, j'y suis. Oui, oui, et c'est tout. Non, non, non, non, pour le grand brasier. Corde à l'unisson, ostinato en la. Comme ça. Prochaine mesure, la montée. Oui. Est-ce que vous y êtes? Oui, oui, oui. Montrez-moi. C'est magnifique. Bon, montrez-moi le tout, depuis le début. Chez Schopenhauer, peut-être, chez Mozart, certainement, et sans doute aussi chez Miloš Forman, le réalisateur de ce film Amadeus sorti en 1984, dont on ne se lasse pas, Michel Guérin. C'est absolument. Vrai. Et ça fonctionne je à chaque fois. Je l'ai vu X fois, peut-être 10 fois, avec toujours le même plaisir, je dirais la même joie. Oui. Je trouve l'acteur d'abord formidable, et je trouve que justement, il y a. On aurait pu tomber dans la mièvrerie avec Mozart. On aurait pu nous montrer un minois, vous savez, un jeune Mozart très beau, très très angélique, etc. Au contraire, on a affaire à une sorte de lutin étonnant, un peu monstrueux, très agaçant, agaçant, titillant, ouais. Embêtant tout le monde, de bizarre avec les filles. Mais c'est génial, c'est extraordinaire. Et ce film, produisant voilà. Cette musique. Voilà, on le voit en train d'écrire ici sur son lit de mort. Hein, il dicte à Salieri ce qui deviendra le Confutatis. Ouais. Et ça illustre exactement le texte de Schopenhauer qui décrit le passage du bémol et du au dièse. Et il dit, n'est-il pas étonnant que le changement d'un demi-ton, l'introduction d'une tierce mineure au lieu d'une majeure, donne aussitôt une sensation inévitable de peine et d'inquiétude dont le dièse nous délivre immédiatement. C'est, vous parlez de mécanique, c'est la mécanique de la musique ici. Bien sûr. Qu'a compris Schopenhauer. Bien sûr. Je vais à votre question. Je voudrais y répondre en rebondissant sur Forman et sur le Amadeus. Ce qui est génial dans ce film, c'est d'avoir montré le génie créateur à travers l'envie, d'un musicien, Salieri, qui est assez musicien, assez artiste. Pour comprendre qu'il n'a pas le génie de Mozart, et d'en être malade de jalousie, et en même temps, bien sûr, de l'admirer. Et quel rapport, allez-vous me dire, est-ce que ça peut avoir avec le dièse et le bémol? Eh bien, le voici le rapport, c'est que il y a une sorte de juxtaposition, de collusion et de collision aussi étonnante entre la joie et la tristesse. La joie double dans la musique toutes les autres passions, parce qu'elles sont là. La détresse, la tristesse, la mélancolie, les passions tristes sont là aussi. Mais elles sont immédiatement sauvées par la joie, qui est le sentiment même de la découverte et de la révélation. Je me suis occupé il y a quelques années, pas si longtemps que ça, d'écrire un petit texte qui était une comparaison entre l'esthétique de Schopenhauer et celle de Bergson. Celle de Bergson dont on parle peu parce que elle est disséminée dans un très grand nombre de textes. Mais en particulier, il y a cette phrase du rire qui demande quel est l'objet de l'art. Et Bergson répond, l'objet de l'art, c'est la révélation. C'est la révélation de la nature. Mais il dit, le problème, c'est que cette révélation se fait toujours par un bout. C'est-à-dire par un de nos sens. Il n'y a pas de poly-artiste, poly avec un Y. Il n'y a pas d'omni-artiste. Ça se fait par un de nos sens. Et si nous pouvions révéler la nature par l'ensemble de notre sensorialité, alors nous serions tous artistes. Chez Schopenhauer, il y a quelque chose de semblable. La musique est peut-être l'art qui n'entre pas dans la classification des arts. Elle est à part, elle est singulière, elle est dissidente. Elle est génialement dissidente, c'est-à-dire que elle est une révélation immédiate de la volonté. Les autres arts sont des révélations médiates de la volonté. Je m'explique. Ce sont des révélations de la volonté par l'intermédiaire des idées. C'est-à-dire que nous conservons, nous dit Schopenhauer, le cadre objet-sujet. Il y a toujours une représentation d'un objet pour un sujet, même si le sujet et l'objet font en quelque sorte l'expérience d'une rénovation, d'une métanoïa. Ils passent à un degré de purification qui est le propre de l'art. Le sujet égoïste devient le sujet pur, clair miroir du monde. C'est une expression de Schopenhauer. De même que l'objet n'est plus l'objet, le phénomène dans la causalité, dans la réalité, dans la suite des enchaînements de causes et d'effets, mais il devient une idée. C'est-à-dire qu'il se libère du temps et de l'espace. Il devient éternellement immuable. Mais il reste représenté. Il reste. C'est-à-dire qu'il y a une extériorité entre l'objet regardé et le sujet. Il reste une extériorité, il reste le regarde. Cadre sujet-objet. Le tableau, la peinture, le tableau, la peinture, la poésie, la sculpture, l'architecture. Tous ces arts-là sont des arts qui supposent une forme d'objectivation. Même si l'objectivation est libérée de l'espace et du temps, elle voit les choses, comme dit Spinoza, sub specie a eternitatis. D'ailleurs, à cet égard-là, Schopenhauer cite Spinoza. Dans le passage justement sur les idées. Les idées sont l'instrument de la connaissance intuitive des arts représentatifs. Donc ces arts-là sont bien sûr une traduction, une connaissance intuitive de la volonté, mais obliquement, indirectement. Ce qui fait le privilège de la musique, c'est qu'elle est, elle, immédiatement une révélation de la volonté. Elle est immédiatement une révélation du fond intime des choses. Mais c'est difficile à comprendre cette distinction entre les arts, d'ailleurs, à laquelle Hegel procède aussi dans son esthétique, hein, puisque finalement, pourquoi est-ce que la musique est plus immédiate que la peinture, qu'une image que l'on voit qui nous parle directement, qu'un poème que l'on apprendrait? Alors certes, il y a la connaissance du langage qui est requise pour apprendre et comprendre un poème, mais je prenais l'exemple de la peinture ou même de la danse, il y a d'autres arts qui provoquent une rencontre immédiate sans du tout connaissance conceptuelle ou langagière et qui peuvent provoquer le même effet. La musique a une médiation, la composition, on a entendu Mozart qui composait le Requiem, elle est jouée par des instruments qui sont manipulés par des musiciens, elle n'est pas du tout immédiate. Bien entendu, mais en même temps, quand vous entendez une musique, vous avez le sentiment qu'elle vient de nulle part. Elle vient d'un ailleurs insituable. Il y a tout de même une corporéité, une matérialité, même dans la danse. C'est le corps. Donc c'est son aspect dématérialisé. C'est son aspect dématérialisé, c'est son aspect spirituel. Ce qu'il faut bien appeler ça comme ça. C'est le fait que la mélodie parle un langage qui n'a pas besoin de l'articulation. Et qui renvoie au langage, au monde lui-même. Cette harmonie de la musique, est-ce qu'elle renvoie à l'harmonie du monde? Est-ce qu'il y a là, pour le coup, un miroir? Ou est-ce qu'elle est propre à la musique? Je crois que si effectivement un art peut être le miroir de la volonté, c'est la musique. Mais ce miroir, il reflète le fond des choses en lui-même, avec le minimum de moyens d'expression. Mais ça veut dire que le fond des choses est harmonieux? Puisqu'il y a de l'harmonie dans la musique. Non, ça ne veut pas dire que le fond des choses est harmonieux. Ce qui est harmonieux, c'est la connaissance. Ce qui est harmonieux, c'est l'intuition pure. Ce qui est harmonieux, c'est le fait de vivre toutes les passions dans la joie. C'est cette sorte de résurrection de toute notre souffrance, des travaux et des jours qui sont les nôtres. Cette résurrection de la souffrance par le miracle de la joie. Ce qui est miraculeux, c'est la joie. Et si vous le permettez, je voudrais tout de suite dire que c'est sans doute un des aspects de Schopenhauer qui a le plus inspiré Nietzsche, en ce qui concerne justement la relation de la souffrance et de la joie. Parce que il y a presque en écho à ce texte de Schopenhauer sur la musique, il y a dans le Zarathoustra, dans la quatrième partie du Zarathoustra, un chant qui s'appelle le chant ivre et dont le refrain est le suivant. La souffrance est éternelle. La souffrance, etc., etc., le refrain, c'est du Schopenhauer presque à l'état pur. Mais le dernier refrain dit ceci. Mais la joie est plus profonde que la souffrance, car la joie veut l'éternité, veut la profonde éternité. Donc ce qui au fond point dans chacun des arts, mais qui ne va pas tout à fait à aboutissement, s'épanouit dans la musique, un petit peu comme un bouton qui s'ouvre, et cet épanouissement, c'est l'intuition de l'éternité. La joie, c'est l'intuition de l'éternel. Et dans les aphorismes sur la sagesse de la vie, Schopenhauer écrit ses lignes sur la joie, car c'est aussi un penseur de la joie, on le sait moins. Des vaisseaux pavoisés et fleuris, des coups de canon, des timbales et des trompettes, et des exultations, des cris d'allégresse et ainsi de suite. Tout cela est l'enseigne, l'indication, le hiéroglyphe de la joie. Mais le plus souvent, la joie elle-même n'y est pas. Elle seule s'est excusée de venir à la fête. Là où elle se présente vraiment, elle vient d'ordinaire sans être invitée ni annoncée, d'elle-même et sans façon, s'introduisant en silence, souvent pour les sujets les plus insignifiants et les plus utiles, dans les circonstances les plus quotidiennes, pour des occasions même qui ne sont rien moins que brillantes ou glorieuses. Allez-vous les copains à notre étendard? On a fondé le club des fans de Mozart. Un grand merci à vous, Michel Guérin, d'être venu nous parler de Schopenhauer aujourd'hui. On se quitte avec les fans de Mozart, ce sont les parisiennes qui le chantent après la lecture du texte de Schopenhauer et donc vos éclairages très précieux sur la philosophie de Schopenhauer. On peut lire son essai sur les femmes et en présence de Schopenhauer, de Michel Houellebecq, tous les deux disponibles au cahier de Lerne, l'essai sur le libre arbitre qu'on trouve en rivage poche, à la petite bibliothèque Payot, et puis bien sûr Le Monde comme volonté et comme représentation, par exemple, en folio. Et surtout de vous, Michel Guérin, je conseille aux auditeurs de lire Le Fardeau du Monde, de la Consolation, où il est également, entre autres, question de Nietzsche, aux éditions Encre Marine. Il est temps, sur France Culture, les chemins de la philosophie, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis le début du confinement, beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer la romantisation de cette situation, par et pour les plus privilégiés d'entre nous. Et peut-être aussi pour les plus sentimentaux. Il faut pourtant se rendre à l'évidence, 15 jours plus tard, la quarantaine est loin d'être la période la plus romantique qui soit. Qu'on soit en couple, à deux ou à plusieurs, avec ou sans enfants, à travailler ou pas, l'amour s'accommode mal avec l'idée de vie conjugale ou familiale, avec l'idée même de vie commune ou de vivre ensemble. On s'en doutait, mais avec le confinement, j'en viens même à me demander, en serait-il l'exact opposé ? It had to be you. It had to be you. I wandered around and I finally found the somebody who. Les comédies romantiques, de l'âge d'or d'Hollywood à Bridget Jones, suivent toutes plus ou moins le même schéma. Deux personnes que rien ne semblait réunir tombent pourtant folles amoureuses l'une de l'autre. Qu'il s'agisse de divergences d'opinion, de tempérament ou de milieu social, l'amour triomphe donc toujours. Mais encore faut-il que quelque chose rapproche malgré tout les héros censés se détester. Et souvent contre leur gré. D'où le motif très récurrent du confinement dans les rom-coms, et sous toutes ses formes. La voiture et l'avion, mais aussi le paquebot, les répétitions de danse, des mariages, ou encore la tempête de neige qui empêche les personnages de sortir. À cet égard, le confinement sous Covid-19 doit déjà avoir traversé l'esprit de certains scénaristes. Pourtant, force est de le reconnaître, si le confinement a peut-être ses attraits pour apprendre à connaître quelqu'un, que peut-il apporter quand on connaît déjà la personne avec qui on vit ? Paradoxalement, Connaître quelqu'un peut donner envie de vivre avec lui, mais vivre avec lui peut entraîner le contraire, une forme d'étrangeté, de malaise, d'agacement, voire de haine. D'où ma question, pourquoi cette incompatibilité de l'amour avec la vie commune ? Ça vous paraît peut-être paradoxal, puisqu'en oui. réalité, l'amour, enfin l'amour-passion, donne lieu à une très grande quantité de productions littéraires et artistiques, à des œuvres, à des romans, à des films, à des chansons, enfin... Mais je dirais que malgré tout, il y a une solitude de l'amour-passion. Je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque, d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour. Que l'amour soit en fait solitaire, le paradoxe n'est pas nouveau. Roland Barthes en parle très bien dans cette archive de 1977, lors de la parution de ses fragments d'un discours amoureux. Jacques Lacan, à la même époque, déclarait dans la même veine « il n'y a pas de rapport sexuel », pointant lui aussi l'impossibilité de la rencontre entre deux êtres. L'affaire semble donc entendue, l'amour, loin d'être une communion, est en fait un isolement. Alors, imaginez en confinement. C'est peut-être le comble du confinement d'ailleurs, cette sensation d'être isolé, confiné, même chez soi et même avec l'amour de sa vie. Alors que l'on est objectivement coupé du monde, du cours normal des choses, nous voici à éprouver en plus une autre rupture, et cette fois-ci dans notre intimité. C'est comme si la proximité d'un autre, censé être celui que l'on a choisi, que l'on aime, que l'on désire, n'était cependant pas la garantie d'être accompagné, d'être entouré, d'être au monde. Comment comprendre ça ? Faudrait-il comprendre que l'amour à deux est à jamais impossible ? La vie à deux, ma nouvelle aventure, viens me chercher quand je sors du studio. La vie à deux, c'est beau tant que ça dure. Promenons-nous, rentrons chez nous, c'est il comprendre que l'amour n'est jamais complet, même quand il est pourtant partagé, et ça tous les jours, tout le temps ? Pourquoi pas ? Mais j'ai toutefois une autre hypothèse. Et si la tare de l'amour n'était pas dans son impossible partage, mais au contraire, dans son trop possible partage, dans sa répartition quotidienne, sa liquidation journalière ? Le problème est peut-être là au fond, pas dans l'inclination imparfaite vers un autre, mais dans ce qu'on aimerait être une inclination parfaite vers un autre, dans cette vie en commun où tout devrait revenir à l'autre, réellement, concrètement, totalement et donc de manière totalitaire. Voilà le véritable paradoxe de l'amour que nous révèle ce confinement, non pas sa solitude comme on le croyait, mais dans le fait d'être partagé. Il est d'abord une affaire avec soi-même, à soi seul, qu'on se raconte, qu'on s'imagine, qu'on rêve, et tant mieux. On peut le déplorer, on peut moquer cette romantisation narcissique purement virtuelle, mais vivement malgré tout qu'on la retrouve. Car on aime bien mieux quand on a le temps de se faire ses propres films. Loin des yeux, près du cœur. Et un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Isis Jourda, Maude Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzincan qui est à la prise de son aujourd'hui, Daniel Mesguich qui vient lire pour vous du Schopenhauer cette semaine, jusqu'à jeudi donc. On se retrouve d'ailleurs demain pour la suite de cette série sur Schopenhauer. Demain, nous décrirons cette vie faite de souffrance et d'ennui. Vous aviez évoqué la formule, Michel Guérin, au cours de cette émission aujourd'hui. Ce sera Christophe Bourriaud qui viendra expliciter, déplier pour vous le sens de cette phrase. D'ici demain, on pourrait écouter cette émission avec vous, Michel Guérin, en se rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.